Oh, la grosse claque qu'on prend, évidemment, pour les plus anciens, hein, comme moi. Hein, je dirais pas, je parle pas pour toi, Stéphane. Non, mais c'est vrai qu'on est de la même génération, on se connaît depuis très longtemps, et quand on entend ça, forcément, là, c'est. Il y a des choses qui remontent. Ouais, le morceau en lui-même ou la sonorité. Ouais. D'ailleurs, qui redevient très à la mode, le son un petit peu acide. Mais je crois que c'est des façons, c'est des vagues, c'est des cycles, et voilà, quoi. Et là, c'est bon. On va redonner la référence de ce qu'on vient d'entendre à l'instant même, c'est du très très bon. Hein. Alors, le groupe, c'est Humanoid. Ouais. Le morceau s'appelle Stacker Humanoid. Ouais. Et c'est un remix que j'ai fait, donc ça c'était sorti il y a 2 ans pour les 20 ans de l'Acid House. Et pour l'anecdote, c'est quand même le, je crois qu'il était rentré dans les charts à l'époque en 88. Et c'est un morceau qui s'était vendu quand même à 300 000 copies en Angleterre. C'est dingue. Et c'était la première fois qu'un morceau Acid House cartonnait sans avoir le acide. Ah oui, bien sûr. Ouais, parce qu'il y avait ce son-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui en faisaient un morceau unique à l'époque déjà. C'est vrai. Quand j'entends ces sons-là, après, ça me fait penser, mais c'est comme tu parles de 88, ça arrivait bien après, mais les Art Floor, tous ces groupes-là, là, qui est pareil. Ah bah, c'est le fils spirituel. Ah ouais, c'est bon et c'est toujours aussi agréable. Ça t'arrive, toi, d'ailleurs, ça pourrait t'arriver en tant que DJ quand t'es dans un set, justement, de rejouer quelquefois des vieilles galettes comme ça, hein, où alors, c'est plus de risque. Je pense si c'est le bon moment, ça marche. Après, faut savoir l'amener, il faut savoir surtout en ressortir. ouais. Laurent sait très bien faire ça. Oui, en 3 morceaux, il t'emmène. Ouais, il est toujours prise de risque, tu sais jamais. Après, ouais, ça peut partir dans tous les sens. Mais ce remix, je joue en live. Ça t'arrive encore de temps en temps. Ouais, parce que c'est quand même un morceau qui, tu vois, c'est un remix. J'ai gardé quasiment aucun son, sauf les sifflets, sauf quelques trucs. Donc, il sonne assez actuel, même s'il y a l'esprit de l'époque, quoi. Scanix, on va revenir sur l'actualité parce que, mine de rien, il reste 7 minutes. Oh là là, que le temps passe. Bah écoute, hein, tant mieux. L'actualité, donc c'est cette collaboration avec Laurent Garnier sur son nouvel album, bien sûr, et cette tournée que tu fais avec lui. Vous êtes 5 sur scène, il faut quand même le rappeler. 5 sur scène, voilà. Nous, on est 2 aux machines, moi et Laurent. Ouais. Et après, il y a un clavier et il y a. Toi, tu suis ou c'est toi qui as le power sur scène ou c'est Laurent quand même, le chef d'orchestre? C'est lui le chef d'orchestre, ouais. Et bien évidemment, ouais, quoi. Ouais. Et on peut rappeler les noms des 3 camarades qui t'accompagnent. Au côté de Laurent, alors il y a Benjamin Ripper au clavier, ouais. Il y a Philippe Nadeau au sax et Philippe Anicot qui lui aussi aux instruments avant. Et on l'avait dit avec Laurent déjà la fois d'avant et t'étais en ligne avec nous, mais c'est bon de le rappeler parce qu'on en a reparlé hors antenne, c'est que quand vous allez voir Laurent Garnier le live, attention, c'est pas parce que vous l'avez vu une fois et que vous dites tiens dans un mois il repasse dans un autre endroit, est-ce que ça vaut le coup d'aller le revoir? On a envie de dire oui parce que il nous le disait, c'est que il peut y avoir la dernière fois il nous disait que vous avez joué près de 2h20, 2h30, et la fois d'après, ça peut durer 2h, et puis surtout, on va dire que les versions peuvent être très différentes. Bah oui, disons que la problématique qu'on a eu tout de suite quand on a commencé à travailler sur le live, c'est-à-dire, voilà, il va y avoir des festivals, on n'aura qu'une heure, et d'autres où on va faire des concerts, on aura la salle pour nous, on pourra jouer 2h30. Donc, comment on fait? Donc, c'est vrai que tout est vraiment modulable. Il y a des morceaux dont certaines versions peuvent faire 3 minutes ou 5 minutes si on est speed, et puis des fois 10 minutes, voire 15 minutes. L'autre fois on a joué à Berlin, on a fait un Crispy Bacon qui a duré 12 minutes je crois. Donc là c'est en fonction de quoi? De l'énergie, vous sentez qu'il se passe quelque chose et que bah déjà faut c'est pas bien que ça de s'arrête. Savoir que t'as le temps, c'est-à-dire que tu peux vraiment développer, aller plus loin et surtout ouais, c'est la réaction, c'est les gens qui te donnent et qui te donnent envie d'aller encore plus loin et de pousser le truc quoi. Vous opérez de quelle manière dans ces cas-là là? Donc Laurent est là, ça se joue par juste des regards on continue. Bah, alors, la chance qu'on a c'est avec chaud, Laurent hein. Vu qu'on a construit le live ensemble, on a moins besoin de se regarder. Et puis vu que moi je suis plutôt aux effets et aux synthés et que Laurent construit les rythmiques, moi je le suis en fin de compte. D'accord. Donc par contre c'est plus par rapport aux autres musiciens où là faut vraiment qu'il leur fasse des signes. Ouais. Mais maintenant, ils commencent aussi pareil à se connaître tellement bien que les signes deviennent presque plus lisibles pour le ah ouais. Les gens de l'extérieur. Ouais. D'accord, très bien. Et puis il y a ton actu quand même parce que le dernier album sous le nom de Scanix remonte à quand C'était le quatrième. Il y avait eu un mini album, c'était le troisième en fait. D'accord, ok. Et c'était 2003. Donc ouais, là je suis sur un nouveau là. C'est vrai hein, ouais, ça ouais. fait Moi, j'ai sorti pas mal de maxi entre-temps, j'ai sorti 6. Oui, bien sûr. Voilà, Mais là, ouais, je pense que de toute façon, à la rentrée, là, mon troisième album sera fini. Donc là, l'album, par contre, faut pas s'attendre à retrouver des morceaux de maxi que tu vas réinjecter dedans. Non, c'est vraiment un nouvel album. Ouais. Les maxi, c'est les maxi, et voilà. Et t'as déjà une petite orientation, t'as déjà choisi un peu un son, un style, t'as quelque chose de bien précis. C'est une histoire ou c'est, tu passes d'un son à un autre, vers d'une... Bah. Des fois, j'ai un peu le même problème que Laurent. C'est-à-dire, je me dis, tiens, je vais faire un morceau un peu comme ça, je pars sur cette idée-là et je peux arriver complètement ailleurs. Donc, j'ai du mal même à répondre à ta question. Je pense que de toute façon, faut pas essayer de se forcer à aller quelque part. Faut faire de la musique, la faire de la manière la plus sincère. Puis après, tu fais des choix et tu affines en fonction. Quand tu commences à avoir 5-6 titres, tu commences déjà à avoir une idée de la, tu vois, là où peut aller ton album. T'as toi-même envie, par exemple, de faire ce que tu fais avec Laurent, c'est-à-dire éventuellement de collaborer avec quelqu'un ou de pouvoir t'épauler de quelqu'un pour. Sur la Mega Soft Office, donc qui était sorti il y a 2 ans, j'avais travaillé avec un chanteur. J'avais fait un morceau chanté. Le morceau s'appelait Surfing. Là, certainement qu'on retravaillera ensemble. Tu vas mettre un peu de vocal alors. Voilà. Ouais. Mais de manière. Un peu comme peut faire Trent Moller, c'est-à-dire pas quelque chose de chanter pop, pas vocal, quelque chose qui accompagne comme un instrument. Voilà, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc là ça va se faire et on n'a pas évidemment, il n'y a pas de date précise, mais on va dire quoi, ça sera courant de l'année 2009 ou ça sera plutôt attendre la rentrée 2010 pour un album. Là, je suis en train de finir un ou deux maxi. J'aimerais bien sortir d'ici la rentrée et après l'album donc. Fin de l'année, début de l'année prochaine. Ouais, tu vas travailler entre, on va dire, septembre et décembre. Je pense que je te tiendrai au courant. Oh là là, bah ça j'espère bien, cette fois-ci on va plus lâcher, j'ai les numéros, j'ai les bons. Hein. Donc maintenant, c'est bon, on va pas lâcher. Scanix, pour se quitter, tu as choisi encore un morceau. Voilà, bah, là c'est vraiment le dernier maxi que j'ai sorti, c'était en décembre, le morceau s'appelle Midnight. Ouais. Et c'est un édit de Laurent, donc Laurent Garnier, qui, voilà, j'avais ce morceau que je joue en live, il m'a dit ouais, je pense qu'il faut le rallonger un peu, machin, pour les DJ. Voilà, il l'a eu entre les mains, il en avait fait 2 minutes de plus et c'est son édit donc. Très bien, on écoute ça juste avant de se quitter, bien sûr, dans Carte Blanche sur Radio Neo. C'est Scanix, notre invité. We'll be right back. bien voilà, c'est ainsi que se termine cet entretien avec Scanix. Hein. Voilà, c'est un grand plaisir. Une heure, c'est passé très vite. Plaisir aussi. Ouais, c'est passé très vite. Il va falloir revenir dès qu'il y aura l'album. Donc, dès qu'il y aura l'actu, on va redonner encore ce remix qui a été remixé par Laurent Garnier. Mais c'est une de tes productions. Hein. Voilà, ça s'appelle Midnight et c'est sorti sur le label Scriptome. Voilà, et écoute, plein de bonnes choses. Peut-être donner, est-ce qu'il y a des adresses, MySpace ou un site sur lequel on peut retrouver ton actualité, la tournée avec Laurent, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, bah en fait, le plus simple, c'est d'aller directement sur l'adresse de mon site web, qui est www.scanix.net, et là, on est redirigé vers mon MySpace. Ouais. Voilà, je rouvrirai mon site pour le troisième album. Très bien. Et je sais qu'on nous écoute de partout en France, dans le monde, donc il y a toutes les dates pour aller voir Scanix aussi aux côtés de Laurent Garnier. Et à Paris, il y a une date importante, c'est celle du Bataclan. Tout à fait, c'est le 28 là. Ça, c'est le 28 du mois de mai. Voilà, c'est quasiment gavé de chez je gavé. Crois, oui, déjà, ouais. Ça, j'imagine. Donc voilà, s'il reste encore quelques dates, enfin quelques places, il va falloir se ruer dessus. Voilà, avec un grand plaisir. Et bien, tout le plaisir était pour moi aussi. Eh ben écoute, plaisir partagé. Voilà, on s'était pas vu. En fin de compte, avec Laurent, c'était pas vu pendant 8-10 ans. Toi, c'est un peu la même chose. C'est vrai. Voilà, comme c'est la chanson de... La prochaine fois, je mettrai la chanson de Patrick Bruel. C'était du rendez-vous dans 10 ans et on se retrouvera. On espère qu'on se retrouvera avant, puis surtout avec tes dernières productions parce que, voilà, et on attend l'album avec impatience. Dans un instant, un des mecs que tu dois bien aimer, qui fait partie aussi de la scène, voilà, un monsieur, un Josh Wing quand même. Ouais, et puis surtout quelqu'un d'adorable, un vrai gentil. Vrai gentil. Il y a des quelques méchants dans ce milieu, mais lui c'est un vrai gentil. Et on va le retrouver en mix pendant une heure, un mix voilà que j'ai récupéré à l'époque où on était sur d'autres radios, voilà, un mix qui date... À l'époque où il avait des dreads en fait. Oh oui. Oh là là, exactement. Des dreads de chez Dread, ouais. Où il faisait ces morceaux clubbing, là, qui explosent et tout sur les dance floors, là. Ça date du 3 novembre 96. C'est ce qu'on va écouter tout de suite dans Carte Blanche sur Radio Néo. C'est parti. Tous les jeudis, 20h, 23h, c'est Carte